Au sport, pour le 16 novembre. Au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Harford-Saint-François. L'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François visite Métro Brunel-Val-Saint-François à Windsor à 11h. L'équipe Atome B est à Fleurimont pour affronter Thibault GM Sherbrooke à midi. L'équipe Pee-Wee A rencontre Club Pissin Sherbrooke à l'Aréna Eugène Lalonde à 16h30. L'équipe Pee-Wee B est également à l'Aréna Eugène Lalonde pour se mesurer au Rapid de Sherbrooke à 15h15. Et l'équipe Bantam A visite les Jets Frontières à Stansted à 16h30. Pour le 18 novembre, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis-Saint-Laurent recevra Collège Claretin à 16h à l'Aréna Robert-Fournier-Distingus.